Chapitre 4. Pendant que le président, bouleversé, appelait ses deux collaborateurs, Elsa l'avait sapé à l'eau froide, la bandait d'une serviette et allumait une cigarette. Quand les deux hommes furent présents, il parla. Niklaus Wiggins, parti il y a 6 ans pour l'Amérique afin d'y tenter fortune, dit-elle, en revint il y a 6 mois, gueux comme Job. N'osant pas rentrer chez lui dans un tel dénuement, il arriva chez son cousin Joseph pour lui demander conseil, aide et assistance. Niklaus Wiggins, quoique bon ouvrier cordonnier, n'a jamais fait rien de convenable. C'est un fainéant, buveur, joueur, guère scrupuleux. Il savait que son cousin, qui sur bien des points lui ressemble et n'est ni bon père ni bon époux, était employé chez deux grands diamantaires lapidaires, mais il ignorait qu'on lui confiait parfois de véritables fortunes, à les livrer ici ou là, en Hollande ou en pays étranger. Un soir, il dit à Joseph, « Tu as vraiment bonne tête de faire un métier pareil pour 300 florins par mois. À ta place, il y a longtemps que j'aurais filé avec un bon paquet. »« On m'arrêterait si je faisais cela, » dit Joseph. « Avec un gars à la cool, un coup bien monté peut réussir. Si tu voulais, on pourrait voir ça. » De fil en aiguille, on discuta la chose. Sur le conseil de son cousin, Joseph se procura le cachet, la ficelle, le groupe hors d'usage, et son cousin confectionna sur ce modèle un groupe neuf. Puis on guetta une occasion. En attendant, Niklaus alla travailler à La Haye. Enfin, l'occasion se présenta. On ne pouvait pas transporter le groupe nu. Il n'entrait pas dans le nécessaire de M. Van Rossler, moins encore dans celui de Wiggins. M. Van Rossler et Wiggins, un jour, à 10 heures du matin, achetèrent une valise mallette en cuir noir verni, bordée de cuir jaune, munie de 2 serrures et de 2 courroies, solides et légères à la fois. Il y avait plusieurs mallettes de ce modèle chez De Hart. Le soir même, Wiggins en achetait une autre. Ce fut son cousin qui l'emporta. Tous deux s'étaient montrés assez contrariés que les clés de la première n'ouvrissent pas aussi la seconde. « Oh, vous êtes donc le diable !» murmura Wiggins, qui considérait la jeune femme avec effarement. Elsa sourit et continua. Le groupe était fait, déjà. Tous ceux sont à peu près du même modèle. Les deux complices le placèrent dans la valise et enveloppèrent celle-ci d'un plaid. Et Niklaus Wiggins, précédant son cousin de 24 heures, partit le soir même. M. Van Rossler et Joseph Wiggins partirent le lendemain. Si les souvenirs du chef de train ravivés par moi sont exacts, un voyageur, porteur d'une valise mallette de cuir verni noir, monta dans le train à Cologne et en descendit à Essen. Ce fut donc entre ces deux villes que la substitution fut opérée. « Me trompais-je ? » demanda Elsa en s'adressant à Joseph Wiggins qui fit non de la tête sans oser la regarder. Restait à opérer la substitution des clés. Ce ne fut pas très difficile. Pendant la nuit, alors que les voyageurs dormaient, Wiggins l'opéra en prenant le trousseau de clés dans le filet où M. Van Rossler l'avait déposé. « C'est exact, » dit Van Rossler. Je me suis réveillé en sursaut à ce moment-là et j'ai demandé à Wiggins ce qu'il faisait là, debout, près de mon lit. Il me répondit qu'il avait eu soif et qu'il venait de boire un verre d'eau qui était dans la carafe du lavabo. Cette explication me satisfit et je ne tardai pas à me rendormir. À Berlin, au moment de remettre la valise mallette à M. de Nijnikov, je lui offris d'ouvrir la mallette et le groupe. Il me répondit qu'il préférait les laisser clos jusqu'à Saint-Pétersbourg. Sans le savoir, je faisais le jeu de cette canaille, ajouta-t-il en regardant Wiggins avec mépris. Si je ne me trompe, reprit Elsa en s'adressant au président du syndicat. « Vous ne tarderez pas à rentrer dans votre bien, car j'ai télégraphié tous les renseignements utiles à la police impériale de Vienne, où Niklaus Wiggins s'est réfugié, et on l'a probablement arrêté à l'heure actuelle. Comment avez-vous pu si vite et si bien démêler la vérité ?» demanda le président du syndicat émerveillé. « Grâce à ceci, » dit Elsa. Elle tira de son sac une bande de journal, celle du Daily Mail, et la montra aux assistants qui, sauf Wiggins, l'examinèrent sans y rien voir de bien particulier. Et c'est là la clé du mystère, fit Van Rossler. Je n'en eusse guère été plus avancé, je l'avoue, si je l'avais trouvée moi-même. Elle était, cette bande d'abonnement, dans la mallette substituée à la première, dit Elsa, et cette mallette était bourrée avec de la fibre de bois et de vieux journaux tout sanglés. La bande adhérait encore au Daily Mail, et sur cette bande, je distinguais, outre le cachet d'oblitération du départ, la moitié environ du cachet de l'arrivée. Il portait en demi-cercle ses lettres, Erdam, et au-dessous, cette indication 9 février 14. De toute évidence, puisque ces journaux, les autres, étaient de la même provenance, le vol avait été préparé, sinon commis, en Hollande. Trois personnes seules pouvaient l'avoir préparé. M. Van Rossler, Wiggins ou M. Verschot. Une courte enquête me permit de ne retenir que le second. Car si la vie privée des deux autres personnes par moi citées est irréprochable, il n'en est pas de même de celle de Joseph Wiggins. Mauvais père, mauvais époux, joueur effréné, perdu de dettes, bien qu'il gagnât convenablement sa vie et celle des siens, il devait tôt ou tard céder à la tentation. Ce fut son cousin qui le décida à mal agir. Est-ce vrai, Wiggins ? Oui, c'est la vérité, murmura le malheureux. Seul, et quoique la tentation m'en eût déjà visité, je n'aurais jamais eu le courage de commettre un vol. Et c'est ce maudit que j'ai recueilli, hébergé, qui a fait mon malheur. Quand Niklaus fut installé chez Joseph, continua Elsa, il s'ennuya. Il ne parle pas le hollandais et l'on comprend mal ici l'allemand d'Autriche. Par contre, il parle et lit couramment l'anglais. C'est pourquoi Joseph, tous les soirs, lui rapportait le Daily Mail, le Daily Chronicle et le Daily Telegraph, qu'il prenait dans votre corbeille à papier, président. Ce sont ces mêmes journaux qui, bourrés dans la mallette de cuir verni, m'ont mis sur la piste du voleur. S'ils avaient pensé à arracher la première page des 10 journaux, je n'aurais pas retrouvé ce fragment d'oblitération postale qui m'amena à penser que le vol avait été préparé en Hollande et probablement par quelqu'un de vos employés. J'ignorais à ce moment-là qu'il y eut deux mallettes exactement pareilles. Je l'appris en portant celle que vous m'aviez confiée chez De Hart, où M. Van Rossler est connu, où l'on ne connaît pas Wiggins, mais où l'employé, qui avait vendu la première à M. Van Rossler, se souvint fort bien des deux individus qui étaient venus chercher la seconde. Il me donna de Wiggins un signalement précis. Il se souvint même que Wiggins avait essayé une clé qu'il portait à son trousseau aux serrures de cette seconde mallette et qu'il s'était étonné de n'avoir pu l'ouvrir, bien que la différence entre le paneton de celle qu'il possédait et celui de la clé de la mallette fût peu visible à un premier examen. Muni de ces renseignements, j'allais faire un tour, un après-midi, à Dimmerburg. Je m'étais un peu camouflé. Il ne me fut pas difficile de trouver la villa dont Joseph Wiggins est le gardien. Bien que ce fût jour d'école, les enfants de cet homme jouaient dans le jardin. Je me présentais comme délégué des écoles et demandais sévèrement à la mère pourquoi ses enfants n'étaient pas en classe. Elle balbutia, se troubla, finit par pleurer en disant que son mari lui prenait tout son argent pour jouer, qu'elle n'avait pu acheter des galoches à ses petits. Le logis pourtant était propre et bien tenu. Sur la fenêtre, il y avait des livres, des journaux. Je pris l'un de ces journaux sous le prétexte de faire lire les enfants. C'était un journal anglais. J'ai été fixé. Je le fus bien plus encore en voyant le vieux cachet dérobé au bon M. Verschot posé sur une étagère. On ne pouvait pas ne pas le voir, car il est tout en cuivre et soigneusement fourbi, brillait comme un soleil. Il ne me restait plus qu'à savoir où Wiggins avait pris les cailloux, le gravier et les morceaux de briques dont il avait farci le groupe au lieu et place de diamants. Il y en avait tout un tas soigneusement relevé au milieu du jardin, et il n'avait vraiment eu qu'à se baisser pour en prendre, selon la locution populaire, ce qu'il lui en fallait. Mais qui vous a révélé tous les détails concernant Niklaus Wiggins ? Demanda Van Rossler. Madame Joseph Wiggins. Elle a commencé par me révéler le rôle néfaste que cet homme avait joué dans la vie de son mari, le jour où je me suis présenté chez elle comme délégué des écoles. Elle a achevé sa confession le soir même du dimanche où je me suis présenté chez vous, Wiggins, ce soir où j'avais donné quelques florins à vos enfants, où vous les leur avez repris pour venir les perdre à Amsterdam, à l'estaminet de la Colombe. Tout cela n'a d'ailleurs que corroboré la conviction que je m'étais faite que Wiggins était dans l'affaire auteur et complice. Madame Wiggins n'a fait que me révéler le nom du cousin qui avait monté le coup et secondé le principal coupable. Il ne nous reste plus qu'à attendre des nouvelles de Vienne. On les eut 48 heures plus tard. Niklaus Wiggins avait été arrêté au moment où il entrait chez un prêteur sur gage pour y engager une bague. Tous les diamants volés furent retrouvés chez lui, dans une chambre meublée assez misérable de la Hauptstrasse, où il les avait placés dans une armoire en bois blanc qui ne fermait pas même à clé. Ainsi s'achèvent Les Diamants du Tsar par Gaston Charles Richard.